Seigneur, si tu me donnes par exemple la bourse, tu donnes à ma fille la réussite, tu donnes à mon fils le mariage, voici ce que je promets de te faire. Tu vois, c'est entre toi et Dieu. Remarquez ici, ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Anne à faire le vœu. Quand tu veux faire un vœu, ce n'est pas un pasteur ou un prophète qui va te dire « Bon, donne-moi la voiture pour que je prie pour toi ». Non, le vœu est volontaire. C'est toi-même. Tu es convaincu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Et tu dis « Seigneur, si tu fais telle chose, si tu débloques ma situation, je vais te donner par exemple tel montant d'argent. Seigneur, si tu me donnes une maison, tu débloques la situation de mon terrain, voici ce que je compte faire. » Le vœu pousse Dieu à exaucer la prière. Oui, je vais demander à quelqu'un, fais un vœu à l'Éternel. Ça fait longtemps que ta nomination est bloquée. Ça fait longtemps qu'on t'a promis un grand poste. Mais tu es frère en Christ. Mais le Seigneur veut que tu puisses le mettre à l'épreuve. Le Seigneur veut que tu poses un acte, tu fasses un vœu et tu verras, avant la fin de l'année, ta situation sera débloquée et tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Anne a fait ce vœu et nous allons voir que ce vœu a accéléré sa prière. Effectivement, Dieu va lui donner un enfant à qui elle va donner le nom de Samuel. Deuxième vérité, manifestons la compassion pour ceux qui souffrent. Vous voyez, des fois quand quelqu'un vient à l'église ou bien vous voyez quelqu'un pleurer, parfois il y a ceux qui peuvent se moquer. Tu dis, mais pourquoi elle pleure? Mais tu ne sais pas sa douleur. Parfois vous voyez des gens qui viennent, ils ne parlent pas. Même au niveau du service, tu vois un collègue de service qui est là, qui n'arrive même plus à peigner ses cheveux. Il y a même des dames, je parle à une dame, je parle à toi. Tu vis des problèmes parce que tu es mal aimé. Ton mari te persécute, ta belle famille, personne ne t'aime. À un moment donné, tu te dis, mais moi, je ressemble à quoi? Tu as même l'envie de te suicider. Laisse-moi te dire, fais comme Anne. Viens dans la maison de Dieu. Viens à Jésus. Viens voir un homme de Dieu. Viens répandre ton cœur dans la présence. Il y a des situations où parfois, tu as besoin même de quelqu'un, d'un pasteur, pour expliquer ton problème. Tu ne dois pas laisser ton problème comme ça. Anne est venue dans la maison de Dieu. Anne a commencé à répandre son cœur. Elle avait de la douleur parce que tout le monde se moquait d'elle. Et voici une femme stérile, elle n'a pas d'enfant. Elle répandait sa douleur à telle enseigne que l'homme de Dieu qui l'a regardée croyait que c'était une femme ivre. Il y a des moments où à cause de ta douleur, les gens ne vont pas te comprendre, vont te considérer comme une folle. Mais le Seigneur te comprend. Le Seigneur connaît ta douleur. C'est pour cette raison que Jésus est devenu homme, pour comprendre ta douleur. Toi qui souffres, viens avec ton fardeau à Jésus-Christ. Et nous, les autres chrétiens, les serviteurs de Dieu, manifestons la compassion. Regardez, quand cette femme pleurait, le serviteur de Dieu Élie pensait qu'elle était ivre. Mais après, l'homme de Dieu a observé attentivement. Il a compris que c'était une femme qui avait de la douleur et il a manifesté la compassion. Les paroles que cet homme lui a dites a consolé. C'est ça la compassion. Tu vois quelqu'un qui souffre, tu l'encourages, tu lui donnes des paroles d'encouragement, tu t'intéresses à sa situation. La Bible dit ceci au verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, c'est le nom du sacrificateur, Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. » Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quand quelqu'un souffre, il ne faut pas encore poignarder la personne avec des paroles dures. Il a besoin de quelqu'un qui va le réconforter. Manifestons la compassion. Fortifions ceux qui sont abattus, comme l'a fait l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Troisième vérité, notre rencontre avec Dieu dans la prière doit transformer notre attitude et même notre visage. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas voir un homme de Dieu, tu confies ta situation, tu confies ton problème dans la prière. Il ne faut pas qu'au retour, ton visage soit le même. Il ne faut pas que tu sois le même. Il faut que tu aies la foi que le Seigneur a déjà écouté ta prière. Lorsque Anne a confié son sujet, elle a entendu l'homme de Dieu dire « Va en paix ». et que le Seigneur soit avec toi. Elle a cru à cette parole. Elle a cru que le Seigneur a déjà écouté sa prière parce qu'elle a fait un vœu. C'est pourquoi elle a changé d'attitude. Le texte dit au verset 18, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je vais demander à une dame, pourquoi ton visage est toujours le même? Tu ressembles à une femme qui est morte. Depuis que tu as perdu un être cher dans la famille, tu portes toujours des habits noirs. Tu n'as même pas l'audace de pouvoir arranger tes cheveux. Tu ne vas même plus voir ta coiffeuse. Non, les jours de deuil sont passés. Le Seigneur veut maintenant que tu changes d'attitude, que tu oublies. Il faut que tu enlèves les vêtements de deuil que tu as portés jusque maintenant. Parce que Dieu veut maintenant que tu portes les vêtements de gloire. Change d'attitude. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu pleures tous les jours. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Le temps où tu as pleuré est passé. Parce que ce que tu as demandé, le Seigneur a écouté ta prière. Il faut commencer maintenant à le louer, à le célébrer en attendant l'accomplissement de sa promesse. La Bible nous dit que Anne s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Chantons ce cantique. En ta lumière. gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons tous ensemble nos voix. Commençons à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il est le Dieu qui écoute la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB. OSB, c'est un acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel, et nous encourageons tous ceux qui suivent OSB à partager avec les autres. Si vous avez WhatsApp, partagez avec les amis, avec les parents, pour que eux aussi aient l'occasion de commencer la journée par la prière. Et nous prions selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre passage de base, c'est 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 19. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun de nous qui peut faire un vœu le fasse. Peut-être que tu as un problème, tu attends une nomination. Tu attends un déblocage de tes finances. Tu attends un grand financement. Tu attends le regroupement familial. Ton mari est parti depuis longtemps au Canada, depuis longtemps en France. Le Seigneur veut que tu fasses un vœu pour dire, Seigneur, si tu débloques ma situation, voici ce que je vais faire. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Faisons comme Anne. Prie le Seigneur et tu verras la manifestation de sa gloire. Prions selon ce que le Saint-Esprit t'inspire et présente ton problème à Dieu. Prions le Seigneur. Le Dieu de notre Père Jésus-Christ, ce matin encore, je voudrais élever, magnifier, glorifier ton nom parce que tu es bon. Merci parce que tu t'appelles le Dieu des cas impossibles. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible en toi. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Ce matin, je voudrais proclamer ta grandeur, ta puissance, ton autorité. Tu as un plan divin pour chacun de nous. Tu veux que nous soyons heureux. Tu veux que nous avancions. Tu veux que nous soyons dans l'allégresse. Tu veux que chaque chose nous soit soumise à cause de la foi en ton nom que nous avons. Car tu nous as donné cette autorité, ce pouvoir de commander et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Car tu nous as donné cette grâce en tant que racheté de Dieu. Ce matin, je voudrais prier afin que la situation de ma sœur vienne à l'existence au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce frère qui désire sa guérison, que cette guérison s'installe dans son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le vœu de ce frère de voir sa nomination est débloqué. Père, ce matin, qu'il y ait déblocage de ce vœu au nom de Jésus-Christ et que ce frère soit nominé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que cette sœur mariée qui désire cet enfant, que cet enfant maintenant soit logé par l'onction du Saint-Esprit dans ses entrailles et que témoignage soit sur ses lèvres les jours à venir. Merci d'ouvrir les portes fermées. Merci de dégager les œuvres des ténèbres. Merci d'ouvrir les portes fermées et de rencontrer chacun selon son besoin. Merci Seigneur, parce que tu es capable. Ce que tu as fait pour l'un, tu peux encore le faire pour l'autre. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Amen. Manifestons de la compassion pour ceux qui souffrent. Tu vas penser à quelqu'un qui souffre, peut-être à une amie qui est abandonnée par son mari, peut-être à un enfant qui est orphelin, peut-être à un frère qui a perdu son emploi injustement. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à manifester la compassion, à s'intéresser à tous ceux qui souffrent, à aller vers eux pour les fortifier, pour prier avec eux au nom de Jésus-Christ, comme l'a fait Élie quand il a vu la souffrance de Anne. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions pour tous tes hauts faits. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Ce matin, nous te demandons de recevoir notre prière de reconnaissance, notre prière d'action. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux qui passent par des moments de difficulté. Nous prions ce matin pour tous ceux qui sont harcelés, pour tous ceux qui sont dans la détresse. Et nous demandons, Père, que tu fasses en sorte que leurs proches aient de la compassion à leurs égards. Que tu fasses en sorte, ô Père éternel, qu'ils bénéficient également du soutien de leurs leaders, de leurs responsables, de leurs proches, qu'il y ait de la compassion à leur égard pour les encourager, afin qu'ils puissent être relevés, qu'ils sortent de cette situation difficile par ta grâce. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, contre tout obstacle, contre tout blocage, contre toute forme d'insensibilité de la part des frères et des sœurs envers ceux qui passent par des moments de difficulté. Que ton amour environne chacun d'entre nous. La Bible déclare dans l'épître de Paul aux Romains que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que cet amour soit effectivement déversé dans nos cœurs, afin que nous ayons de la compassion pour ceux qui souffrent, que nous ayons de la compassion pour ceux qui passent par des moments de difficulté. Merci Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ta compassion. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Lorsque nous rencontrons Dieu dans la prière, notre attitude doit changer. Lorsque Anne est entrée dans la maison de Dieu, qu'elle a entendu la parole de l'homme de Dieu, la Bible nous dit qu'elle a mangé et son visage ne fut plus le même. Chacun de nous va prier. Peut-être que tu es toujours angoissé, tu es toujours abattu, tu es toujours triste, tu pries. Prions pour que Dieu essuie nos larmes. Prions pour que notre attitude change. Prions pour que nous ayons cette confiance que notre problème, notre sujet que nous avons adressé à Dieu est déjà exaucé et que nous marchons par la foi. Que notre visage rayonne de joie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérons. Opération Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, pour la vie que tu nous donnes, pour la joie en Christ que tu nous accordes chaque jour. Merci parce que nous avons dormi et nous nous sommes réveillés. Merci parce que la Bible dit que, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ce matin, je voudrais te dire infiniment merci. Parce qu'en tant qu'élu de Dieu, en tant que ministre, en tant qu'enfant de Dieu, fils du royaume, en tant que quelqu'un qui est assis et qui comprend qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes, il n'a pas besoin d'être angoissé, d'être abattu, d'être triste, qu'il pleure chaque instant. C'est pour cela que je maudis cet esprit qui retient mes frères et sœurs dans cet état au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand en tournant vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont abattus, angoissés, tristes, qui espèrent en Christ pour un miracle, qu'ils tournent leur regard vers Dieu, qu'ils s'abandonnent à notre Dieu, qu'ils croient que Christ est capable. Notre Dieu est puissant et capable de nous accorder un miracle instantané en ce moment précis, en ce jour. Il est assis sur son trône. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est le Dieu qui agit selon nous tard, mais qui n'est pas en retard. Merci, cher Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un verra ta gloire. C'est pour cela, Seigneur, je loue ton nom. Parce que ce matin, tu aides quelqu'un à sortir de ce plan mafieux du diable au nom de Jésus. Merci parce que tu aides quelqu'un à venir à toi avec des acclamations, avec la joie, parce que tu l'as exaucé. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et pour les miracles, les signes et les prodiges qui nous accompagnent encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB, Opération sous la brèche. Demain, nous espérons vous retrouver à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.